Les éditions de l'Avenir présentent Complot sur Alpa, une aventure de Carl Inouvi, adaptée du roman de Christian Martin, paru à l'origine en 1998. Ezois, dans le rôle de Carl Terob. Florence, dans le rôle de Chararine. Amy, dans le rôle de l'agent de sécurité. Claude Covo-Farchi, dans le rôle d'Hélène Marsh. Pierre, dans le rôle du barbu. Et Christian Martin à la narration. Chapitre 9. Branle-bas dans le complexe. Sur 5, Chara. Je me dirige vers la pointe sud, comme convenu. Tu es encore loin du dôme de l'administration ? Non, j'y arrive. Ça va, Chara ? Oui, j'ai contourné le dôme de l'administration. Je me dirige vers le dôme de génétique. La neige est épaisse ? Oui. Prends ton temps, ménage tes forces. Plus vite j'y serai, plus vite nous retrouvons nos bébés. Tu marques un point, mais sois quand même prudente. Ce n'est pas une raison pour se jeter droit dans la gueule du grognon. J'y suis. Que fais-tu, Chara ? Arrête de balotter ta lampe, tu me donnes mal au cœur. Chut. C'est mieux, merci. C'est quoi cette chose grise que j'aperçois ? Une partie de la porte du dôme de génétique. Et le bidule que tu tiens à la main ? Le menteur. Le quoi ? Le menteur. C'est pour tromper les serrures de sécurité. Une autre invention de mon père. Ça y est, elle entre. Je n'aime pas ça. Y'a personne. Sois prudente. J'arrive devant une porte. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle l'ouvre ! Ouf, pas de lumière derrière. Tant mieux. Je continue. Attends. Selon moi, Nessun devait se cacher dans un coin retiré du complexe. Ses recherches étaient illégales après tout. Mais quel coin ? Le sous-sol ? Possible, oui. D'après le plan, tu y accèdes par le couloir principal. Je risque de rencontrer du monde. Les gens sont au travail à cette heure-ci. Tu as raison, c'est trop risqué. Il vaut mieux renoncer. Comme tu voudras. J'espère que nous n'aurons pas à le regretter. J'y suis. Chara, halte ! Quoi ? J'entends des voix. En uniforme, c'est l'agente de la sécurité qui est venue chez nous après l'enlèvement de nos vies. Mais qui est cette femme en sarrau coiffée à la garçonne ? Allons, professeur Marsh. Ne nous dites pas que vous ne saviez rien des projets du professeur Soon. Vous étiez sa principale collaboratrice. Nous travaillions sur des projets différents. Et il ne vous a rien confié. Ah ! Shara, que se passe-t-il ? Elle a échappé la cam-lampe de toute évidence, car celle-ci ballotte dans tous les sens. Shara ? Shara ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Un pantalon noir ? Oui, j'en suis sûre. J'ai vu passer un pantalon noir dans l'image. Et Shara ne porte pas de pantalon noir. Du calme, Xena. Du calme. Je suis d'accord avec toi. Shara a été surprise et capturée, mais... Que s'est-il passé ? L'écran est tout noir. Pas une panne, j'espère. Il ne manquerait plus que ça. Carl. Shara ? Qui veux-tu que ce soit ? Tu vas bien ? Oui. Un grand barbu m'a enfermé dans un placard. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Il aurait plutôt dû me livrer à la sécurité. Après tout, je suis entrée au geôlier par effraction. C'est bizarre, en effet. À moins que... À moins qu'il ait lui-même quelque chose à se reprocher. Comme quoi ? Comme d'avoir participé d'une façon ou d'une autre aux enlèvements des bébés Hainich ? Je crois que tu as raison. C'est la seule explication sensée. Peux-tu sortir du placard ? Non, je n'ai pas ce qu'il faut. Et le menteur ? Malheureusement, la serrure du placard est mécanique, pas électronique. Le menteur ne peut pas m'aider. Xena et moi, nous allons te chercher. Qu'est-ce que je peux faire, alors ? Attends, je réfléchis. Peut-être que... Quoi ? C'est risqué. Dis toujours. Tu te souviens, sur le réseau, on nous disait que chaque soir par beau temps, les étudiants de géologie rentrent à leur dôme avec les produits de leur expédition de prospection. Oui, je me souviens. Eh bien, tu pourrais en profiter pour pénétrer avec eux dans le dôme de géologie. Bonne idée ! Xena me transportera. Tu crois qu'elle... J'en suis sûre. Il y a déjà un bon moment qu'elle se démène derrière moi et qu'elle veut intervenir. Génial. Pour déverrouiller la porte du placard, apporte un des petits crochets qui se trouvent dans ma mallette. Entendu. Mais si je ne m'abuse, il reste encore au moins une heure avant le retour des étudiants en géologie. Je vais en profiter pour étudier à fond le plan du geôlier. J'espère que les étudiants en géologie ne tarderont pas trop. Atusa est passé derrière les pics du péril et il commence à faire frisquet, immobile sur Xena, à attendre ainsi près de leur dôme. Ah, les voilà. Leur glisseur va se poser. Un, deux, trois, quatre, cinq... Ils sont cinq à descendre, tous chargés comme des mulets. Parfait. Le premier d'entre eux va ouvrir la porte du dôme. Tu es prête, Xena ? Attends. Attends. Attends. Maintenant ! Ce conteneur est idéal pour nous dissimuler. Et personne ne semble avoir remarqué notre intrusion. Ils semblent tous trop occupés à classer les caisses qu'ils ont transportées, ce qui me va tout à fait. Tiens, ils ressortent tous à la queue leu-leu, sans doute pour rentrer le reste de leur prospection. C'est le moment idéal pour quitter cet entrepôt. Xena, maintenant! Dans ce couloir, ma belle! Ce n'est pas le chemin le plus court pour retrouver Shara, mais à cette heure-ci, c'est le plus sûr, puisque la majorité du personnel se trouve à la cafétéria. Le garçon et la Hainich traversent ainsi deux dômes avant d'arriver à celui de génétique par le tunnel nord-ouest. Tu flaires quelque chose, Xena ? Novi n'est pas ici ? Non ? Comment est-ce possible ? Et Shara ? Hey ! Ice ! Elle est partie si rapidement qu'elle a failli me désarçonner. Et voilà que nous arrivons à une intersection. 4 couloirs. Il ne faut surtout pas prendre le 4e. Selon le plan, il conduit tout droit au secteur résidentiel du complexe et à la cafétéria. Pas par là, Xena ! Pas par là ! Évidemment, Xena a emprunté le 4e couloir. Et puisqu'elle suit son flair, c'est que Shara s'y trouve. Mais nous gambadons ainsi tout droit dans la gueule du grognon. Les risques de rencontrer quelqu'un de retour de la cafétéria augmentent à chaque pas. Ah, elle ralentit. La voici qui s'arrête devant cette porte. Quelque chose y est inscrit. Générateur de secours. Xena ? Shara ? Carl ! Enfin, tu es là. Sors-moi de ce placard, vite ! Attends. J'y suis. Carl ! Shara ! Hey, que faites-vous là ?